I'll stay in case wish I'm certain. Life that's full, traveled each and every highway, and one much than this I my way. Regrets few to mention. Exemption planned, course careful ship. No byway, but not much than this. S'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Et ensuite, ça a fait peur aux gens à la fin du siècle où il y avait des bombes. C'est au départ un refus. Je crois que c'était le moral du refus. Après, ça fait rigoler les gens. Parce que les anarchistes, c'est-à-dire que le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. C'est au départ un refus. Une morale, c'est une façon de concevoir la vie. Chacun avait de l'anarchie, une idée tout à fait personnelle. La priorité de l'individu, le pauvre Dieu complètement désespéré. Désespéré comment? Bah désespéré, sans espoir, ce qui se passe. C'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à expliquer. Comment prononcer le mot anarchie, anarchie? Il rigole. L'anarchie, c'est l'annulation de toute autorité italienne. Je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre. Si vous vous sentez capable de la refaire, la société, si jamais les solutions collectives, qui a la solution collective? Il y en a qui prétendent l'avoir. Une totale décontraction de la fraîcheur, de la spontanéité, du sourire, et dans la voix, et dans les jingles, et dans les liaisons sonores. Pure distraction de pur divertissement nouveau. Hein. Donc, nouveauté, fraîcheur, décontraction. It's time to get down and get with it.